Et de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. CKRL.QC.ca 89.1. Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, deux bonnes heures de rock progressif, des nouveautés et des choses plus vieilles, on dirait des vieilleries. Mais de toute façon, ça va être deux heures de pur plaisir. On va avoir en tout premier lieu une nouveauté, Ring Van Mobius, un groupe norvégien qui nous arrive avec un second album qui a pour titre Third Majesty. Il va être lancé le 30 octobre prochain, mais on a droit à un premier extrait, donc c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants. On aura aussi la Mascara di Cera de l'album SEI, un disque retour pour cette légendaire formation italienne. Et on conclura le premier bloc musical avec un autre groupe italien, Instant Curtain, de l'album Let Tear Us Apart, une nouvelle formation qui nous arrive avec un premier album, donc Instant Curtain, c'est ce qui va boucler la boucle, comme on dit, mais on commence sans plus tarder avec Ring Van Mobius. Je pense que ça va être un album, un des albums de 2020, si on se fie à cette première pièce, Ring Van Mobius. Rise and shine. c'è la realtà. Sì, tinge d'oro, visto da qui. Messaggio

Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Optez pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale. C'est ce que vous proposent la brasserie artisanale La Korrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20 $ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2 $ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Korrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable, à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Pour notre second bloc, on va commencer avec un groupe espagnol qui a pour nom Tour de Temps. Je vais vous l'appeler T-U-R-D-E-T-A-N-S. C'est un groupe qui a été formé près de Séville, en Espagne. Un projet strictement studio, comme on nous précise. Et il y a un premier album concept qui vient d'être lancé, Sweet of Dreams. Et ça en vaut le détour, je vous le garantis, c'est vraiment excellent. D'Italie, on va suivre avec Caravaggio, un nouveau groupe italien qui présente un second extrait. C'est on retrouve dans ce groupe Alessio Delben, le batteur de Calche d'Ise et il Tuono. Et puis, on aura aussi de Norvège, Giorgio. En fait, la prononciation en norvégien est très différente. De leur quatrième album, Jord, J-O-R-D. Et on aura aussi des États-Unis, Circuline, avec leur nouvel album live qui a pour titre Circuline. Et puis, on a pour terminer ce second bloc, la Botteca. Écoutez, c'est un nom à rallonge, comme d'habitude, là, les Italiens. La Bottega del Tempo a Vapore, de l'album Chierero Errante. Donc, ce sera notre menu pour le deuxième bloc. Et on commence sans plus tarder avec Tour de Temps. adults are testing you. White clothes, life watching from the moon. Teen star, sometimes you fold. Don't turn your dreams into a nightmare that grows. Don't cry, dear son. Someone is dancing, someone is not. Learn what it is, the way life will be. Don't hide, fear is the greatest all. Lies. No plans, go for another dance. Wheels of time crumble the road, fearing the thorns you won't reach the road. often soul and sweet. so much. Thank you, Rockstar. Thank you so much. Some of you came from really far away. Couldn't be more grateful. Thank you. Special birthday wish to Miss Renee Mankowski. Oh, yeah. There you go, girlfriend. Check out her page, Progressive Nation, on Facebook. Sorgono emozioni

can see no reasons why. You don't understand. Thank you. the shoulders of giants, we were made to see the world for what it was. Walking in their footsteps, so blind, we were listening to the words of love and trust. Let's go.

et puis un album solo, évidemment, avec la participation de plein de membres de IZ, c'est The Witness. On a aussi Bernard et Porsti, comme on veut, deux membres du groupe de Samurai of Prog, qui nous arrivent avec un autre disque en duo, La Tierra. Et puis, de Toronto, Alan Waltz, qui est un musicien assez actif dans plusieurs styles, mais aussi dans le progressif. Donc, on commence avec notre ami Paul Bremner. la civilización. Sé que puedo ser yo, tengo fuerza y valor, y no le temo al dolor. Un nuevo día, última oportunidad, para alcanzar su destino y no decepcionar. Fortaleza. Thank you. Déjà le temps de vous quitter. C'était Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute. Et parlant d'autoroute, un bon groupe qui sonne années 70 que je vous présente pour conclure l'émission, Lycanthropie, de leur un premier extrait d'un album qui doit paraître en novembre. Bonne nuit à l'écoute de la station.